On va parler des Alouettes. Monsieur Alouette, comme qu'on pourrait l'appeler, c'est pas mal lui qui a annoncé la semaine passée qu'il s'est entendu pour un contrat encore avec les Alouettes de Montréal. Il va commencer une 12e saison avec les Alouettes. On lui parle. Luc Baudin-Jourdain. Salut Luc. Bonjour. C'est bien 12, hein? C'est bien ça, hein? Ça fait 12 ans que j'ai été repêché, mais ce serait ma 11e saison avec l'équipe. Lorsque j'ai été repêché en 2008, j'avais été retranché à la fin du camp d'entraînement, puis j'étais revenu disputer une dernière saison dans le rang universitaire avec les Rougeurs de l'Université Laval en 2008. Là. Donc, okay. Ça a officiellement commencé pour moi en 2009. OK. Je vais te dire, avec toi, ça ne doit pas être trop, trop encourageant quand tu vois ce qui se passe cette année avec les Alouettes. Surtout le dossier de Johnny Manziel, là. Mettons que je me dis, oh monsieur, que l'organisation en a mangé une sincère là-dessus. Es-tu d'accord avec moi? Ben écoute, c'est sûr que ça a été une perte, c'est une perte notoire pour nous. Johnny avait bien terminé la saison. On voyait une progression. Mais il faut pas oublier qu'il était en collaboration et en compétition étroite avec Antonio Pitkin. Puis il y avait eu la blessure de Jeff Matthews aussi durant le cours de la saison, la blessure à Vernon Adams. Fait que, tu sais, je pense que c'était je pense vraiment que le poste dans vue du camp d'entraînement de la saison 2019, c'était un poste qui était à combattre entre les jeunes. C'est sûr que quand tu prends en considération dans le monde du sport professionnel en général, ce que tu as consenti pour aller chercher un joueur, ça va faire en sorte que tu vas peut-être lui donner plus de chance qu'à quelqu'un qui t'a pas coûté grand-chose. Donc, c'est sûr que je pense que du côté de notre équipe, on espérait voir Johnny éclore, puis évoluer, puis se créer une niche, se créer son refuge ici à Montréal avec les Alouettes de Montréal. Mais c'est vraiment dommage de constater ce qui s'est produit. Il y avait-tu l'air heureux, puis, Montréal? Luc, avait-tu l'air heureux? Parce que lui, on se contre pas d'histoire, c'est... On se contente pas d'histoire, c'est... lui, il voulait retourner dans la NFL, sauf que je suis pas sûr que c'est un style de pas jouer à la NFL. Est-ce que lui, le but, c'était les États-Unis ou le Canada? Quand tu l'as côtoyé, là, il avait l'air quand même assez bien dans le vestiaire. Moi, je l'ai côtoyé, puis il était très bien dans le vestiaire. Je pense qu'il était très bien aussi par rapport au football, côté football avec nous. Niveau salarial, là, je peux pas vraiment en dire, mais je sais qu'il était rémunéré comme un corps arrière pas nécessairement recru, mais pas nécessairement étoile. Je te dirais qu'il était rémunéré dans l'ordre d'un corps arrière médian au niveau des salaires. Fait que, il était très bien rémunéré là quand on parle de salaire dans la, pour ce qui correspond à la Ligue canadienne de football. Ouais. Il était très bien rémunéré. Donc la question, c'est pas là. Puis personnellement, lorsque j'ai des échanges par texto avec lui, écoute, on parlait de la saison 2019. Moi, dans mon cas, je n'étais pas sûr d'être de retour. Mais lui, de son côté à lui, lorsqu'il me donnait une rétroactivité de message, c'était je suis prêt, je vais être prêt pour le challenge, je suis prêt à relever le défi. Fait que je sais pas, je pense que c'était de son côté aussi, je sais pas comment ça s'est produit, mais sa suspension est arrivée de la part de la Ligue canadienne de football, et puis je pense que nous, en tant qu'organisation, les Alouettes de Montréal, on n'a pas eu le choix de suivre le pas, là. Oui, moi, je trouve ça très décevant, et vous l'avez payé cher, là. Vous l'avez payé très cher, vous vous êtes déculotté, puis c'est ça que je trouve le dommage, qu'on s'est même pas protégé du côté des Alouettes. Tu sais, si on aurait eu une clause dans le contrat qu'une situation comme ça arrivait, qui mentionnait que les Alouettes récupéraient des choix repêchage, ça aurait déjà mieux passé dans la population. Là. Parce que tu sais comme moi, Luc, au football canadien, les équipes qui ont les meilleurs joueurs canadiens, c'est ceux-là qui gagnent. Puis c'est tellement important. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis hyper en accord avec ça que les équipes de la Ligue canadienne qui possèdent le meilleur bagage ou la meilleure profondeur en talent canadien risquent plus souvent qu'autrement de se rendre aux grands honneurs. Mais il reste que 100 corps arrière, même si tu as des très bons Canadiens, c'est très difficile d'y parvenir. Puis l'année passée, ce qui s'est produit, faut pas oublier le timing de l'échange de Johnny Manziel, le timing qu'on a eu à l'époque, c'est ça que je faisais l'énumération. On avait Jeff Matthews qui était blessé pour la saison, Drew Willey qui était blessé pour la saison. Ensuite, on avait eu Vernon Adams Jr. qui était blessé pour le reste de la saison. Et on venait tout juste, je crois, la semaine d'avant de ramener Antonio Pitkin qu'on avait retranché au camp d'entraînement. Puis pour la présence du camp d'entraînement, on basait des espérances et des attentes envers Josh Freeman, qui était un carrière qui avait de l'expérience dans la NFL. Donc l'herbe nous a été coupée sur le pied à multiples reprises. Et lorsque tu te présentes sur le marché des joueurs qui, avec les équipes avec lesquelles tu pourrais transiger pour aller chercher un carrière, c'est sûr qu'ils t'attendent. Parce qu'ils savent que tu as un besoin criant à cette position-là. Donc le prix à payer pour aller chercher n'importe quel carrière dans la ligue, je pense qu'il aurait été élevé. Là. Okay. Ça n'a pas rapport nécessairement au nom et au brand de Johnny Manziel. Je pense que vraiment, à ce moment-là, on aurait été chercher un troisième quart arrière avec des millions de Colombie-Britannique, puis il aurait fallu le payer au gros prix parce que les équipes nous attendaient de pied ferme là, par rapport à la disponibilité au quart arrière. Tu sais, si on prend la disponibilité entre Jonathan Jennings et Travis Lewis l'année passée en Colombie-Britannique, ça aurait été le fun d'aller en chercher un des deux. Mais est-ce qu'on était en moyen de pouvoir créer un échange qui était intéressant? Je ne sais pas si des millions étaient ouverts à cette opportunité-là. Okay. Luc, qu'est-ce qui a motivé? Je t'écoute parler. Il me semble que ta place, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans les médias, là, des anciens joueurs de football qui sont très bons aussi. Mais il me semble que ta place, c'est t'as une place dans les médias éventuellement. Est-ce que... Qu'est-ce qui a motivé de retourner au jeu? Est-ce que vraiment tu as quelque chose à terminer? Tu as quelque chose vraiment... ou encore, tu n'avais pas t'ennuyer de la chambre? C'est quoi qui a motivé en fait? Non, vraiment, ce qui me garde le feu allumé, puis c'est l'idée de retourner sur le terrain, de jouer. J'ai encore autant de plaisir que dans mes premières foulées de terrain quand j'étais au cégep. C'est vraiment un sport que j'apprécie, que j'aime au plus haut point. Puis d'un autre côté, quand je le regarde, je me dis juste, est-ce que j'ai encore envie de jouer? Si j'ai encore envie de jouer, je vais tout faire en sorte pour continuer à y parvenir, parce que c'est ultimement, ça n'a jamais été vraiment entre mes mains de pouvoir, je m'en reviens pas. Il faut qu'il y ait une organisation qui m'aime et qui veulent me voir et qui sent que j'ai encore quelque chose à donner. Mais ultimement, tu sais, je me suis dit, je vais me préparer pour une autre saison. Puis s'il y en a une, il y en a une. S'il y en a plus, il y en a plus. Mais j'ai encore ce feu sacré-là, j'ai encore envie d'être sur le terrain. Puis l'année dernière, quand j'ai terminé la saison, les 3-4 derniers matchs sur la formation partante, écoute, j'étais extrêmement heureux d'être sur le terrain puis de jouer, puis c'était le fun de pouvoir compétitionner. Donc j'ai encore ça en dedans de moi. C'est sûr que je vais avoir 36 ans, je suis hyper conscient d'où j'en suis, puis ma carrière théoriquement devrait être finie plus longtemps. Mais je continue à vraiment apprécier le processus, puis c'est sûr que mon rôle à partir de 2015, à partir du moment où j'ai été blessé au genou, mon rôle était beaucoup plus incertain, puis moins bien défini. Puis cette année, je crois qu'on m'a bien informé sur le sujet. Je sais que j'ai une valeur, comme une police d'assurance par rapport à la position de centre, parce que j'ai énormément de matchs joués, d'expérience en arrêt de la cravate, et je suis encore incapable d'être compétitif. Mais ultimement, ils ont besoin de se trouver un centre qui est bon actuellement, mais qui va être bon pour les 5, 6, 7, 8, 9, 10 prochaines années. Ouais. Puis pour ce faire, il y a besoin d'être sur le terrain, jeune. Fait que c'est pour moi, tu sais, ça va être vraiment un rôle d'épauler les jeunes, des challengés aussi, parce que tu sais, je veux pas être le vieux en arrière qui fait pas grand chose. Je veux être le vieux qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Puis ça va être principalement mon rôle. C'est drôle, pareil, t'as 36 ans pis on parle de vieux. C'est quand même très... me semble que c'est assez spécial. Hey Luc, la convention collective des Canadiens vient à échéance. Bon, il y a deux nouvelles ligues. Je suis ça un peu, c'est pas mal, ça m'intéresse beaucoup. Les deux nouvelles ligues qui sont parties, il y en a une qui bat de l'aile, c'est très très mitigé. En fin de semaine, je voyais encore 10 000 spectateurs, les 13 000 spectateurs de la plus grosse foule. Il y en a un autre qui fait parler beaucoup plus. Comment tu vois ça, la Ligue canadienne face à ces deux nouvelles ligues-là? C'est pas d'hier qu'on dit que la Ligue canadienne, ça fait longtemps qu'on l'enterrait, mais elle est toujours là. Oui, ben tu sais, c'est ça. Je pense qu'au fil des ans, il s'est bâti une ligue qui est de plus en plus forte. L'avènement et l'éclosion des droits de télévision également est venu aider grandement le sport professionnel en général. Puis même si c'était à beaucoup plus petite échelle, je pense que ça donne les droits de télévision maintenant donnent une certaine assurance aux propriétaires de la ligue quant à l'exploitation et aux opérations. Mais c'est un travail qui reste encore à faire, à peaufiner, puis à améliorer le produit, améliorer la translucidité de chacune des équipes, puis de d'être accès au grand public au maximum de nos capacités. Parce que c'est un sport, moi je trouve la Ligue canadienne, c'est ça qui est beau, c'est que c'est un sport du peuple en tant que tel. Là, tu sais, on n'est pas 8 classes sociales puis 10 classes sociales. Mmh. Si on est notre salaire moyen est quasiment le même salaire moyen que dans le monde du travail. Donc c'est quelque chose qui est proche, mais on a un beau football, on a un football qui est différent, qui est unique, même si il y en a plein qui en tout cas moi j'ai entendu au fil des ans, moi j'aime mieux le football à 4-6, ouais, mais regarde un match comme il faut, puis regarde le timing du jeu, à quel point ça va vite dans la Ligue canadienne, il n'y a pas beaucoup de temps d'arrêt, chacune des équipes ont juste un temps d'arrêt, donc ça coule, c'est un jeu après l'autre. C'est vrai qu'il y a plus d'unités spéciales, mais au moins nous autres, nos unités spéciales sont pertinentes dans un match. Non, il n'y a pas une personne qui aime le football, est-ce qu'il aime les deux? C'est ça, exactement. Donc, on a le beau sport. Maintenant, pour les ligues qui se sont créées aux États-Unis, historiquement parlant, ce qu'on voit, c'est la vaste majorité des ligues qui émergent, qui naissent et qui s'éteignent très rapidement. Mmh. Pourquoi? Parce que le compétiteur est tellement fort, puis t'es automatiquement comparé à une machine bien rodée, bien fonctionnelle qu'est la NFL. Donc, à partir du moment où t'es comparé avec ça en tant que produit, puis que t'es aux États-Unis et que t'as aussi le football collégial américain qui est autant intéressant, sinon plus, que des fois que la NFL. Donc, tu sais, t'as une offre de produits, puis pour arriver à être compétitif contre cette ligue-là, c'est extrêmement difficile. Donc, ça demande énormément d'investissement, puis habituellement, c'est ça qui fait défaut rapidement dans l'histoire. Luc, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler à l'autre tantôt durant la saison. Ben, merci beaucoup. Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal.